Épreuve de production orale. Entretien dirigé. 1. Bonjour, je m'appelle Valérie. 2. D'abord, on va faire connaissance. Pouvez-vous me dire ce que vous faites dans la vie? 3. Et depuis combien de temps étudiez-vous le français? 4. Vous êtes de quelle nationalité? 5. Vous habitez quelle ville? 6. Et vous parlez une autre langue? Quelle langue parlez-vous? 7. Quelle est votre langue maternelle? 8. Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors du travail ou des études? 9. Est-ce que vous connaissez un peu la France?